إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mes chers frères, comme cela a été annoncé, le sujet de cette conférence porte sur un sujet d'une grande importance, qui est les moyens permettant de te prémunir du diable. Le diable, Iblis, qui est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, est également notre ennemi déclaré. C'est lui qui a fait sortir notre père Adam, alayhi salam, du paradis. Et depuis, il poursuit ses efforts afin d'empêcher les enfants d'Adam, alayhi salam, de retourner dans ce paradis. Et il tente cela par tous les moyens qui sont en sa capacité. Et ce, afin de détourner et d'égarer les gens du droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à ce sujet, « قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ » Il dit, c'est-à-dire le diable, « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. » C'est-à-dire que le diable, il reste sur ce droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé à ses serviteurs. Et il prodigue tous ses efforts, tout ce qui est en ses capacités, afin d'obstruer ce chemin et d'empêcher les gens d'emprunter ce chemin menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. « ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ » Puis je les assaillerai de devant. « وَمِنْ خَلْفِهِمْ » Et de derrière. « وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ » De leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc on voit à travers ce verset que le diable, il prodigue tous les efforts dont il est capable afin d'égarer l'enfant d'Adam et de l'empêcher d'emprunter le droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit « Min sharrihi annahu qa'ada l'ibni Adam biturqil khayri kulliha fama min tariqin min turuqil khayr illa wa shaytanu alayhi yamna'uhu bijuhdihi an yaslukahu » Il dit « Parmi le mal du diable, il y a le fait qu'il s'est assis sur l'ensemble des voies du bien afin d'empêcher les enfants d'Adam, alayhi salam, d'emprunter les voies du bien. Donc, le diable, il se maintient sur ses voies et il prodigue des efforts afin d'empêcher l'enfant d'Adam d'emprunter le chemin, les voies du bien et le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِنْ خَالَفَهُ وَسَلَكَهُ ثَبَّتَهُ فِيهِ Il dit, si l'enfant d'Adam, il réussit à s'opposer au diable et qu'il emprunte tout de même les voies du bien, qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va le décourager dans celle-ci. C'est-à-dire afin qu'il ne fasse pas de grands efforts dans ses voies. وَشَوَّشَ عَلَيْهِ Il le perturbe dans son cheminement sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ عَمِلَهُ وَفَرِغَ مِنْهُ قَيَّضَ لَهُ مَا يُبْطِلُ أَثَرَهُ Il dit, et s'il met en pratique le bien et qu'il le termine, c'est-à-dire qu'il réussit à accomplir le bien, alors le diable, il va faire en sorte de lui faire faire une œuvre qui va rendre vaine cette œuvre de bien qu'il a fait. On voit donc qu'il fait tout ce qui est en son possible. Pourquoi? Pour t'empêcher d'emprunter le droit chemin. Pour t'obstruer ce chemin. Pour t'empêcher d'emprunter l'ensemble des voies de bien menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que Iblis, il a rendu véridique sa pensée et sa conjecture à l'égard des enfants d'Adam. En effet, la majorité d'entre eux l'ont suivi, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés parmi ses serviteurs croyants et ses alliés parmi les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Il a juré qu'il allait s'asseoir sur le droit chemin afin d'égarer les gens. Et il a rendu véridique sa pensée. Est-ce qu'il connaissait l'invisible? Est-ce qu'il savait qu'il allait réussir à égarer les enfants d'Adam? La réponse est non. Il ne connaissait pas l'invisible. Mais il prodigue de grands efforts pour cela. Il prodigue de grands efforts pour égarer les enfants d'Adam, alayhi salam. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. C'est-à-dire, parmi ceux qui n'ont pas été ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sont reconnaissants envers Allah. Ensuite, lorsque viendra le jour de la résurrection, et que les gens du paradis entreront au paradis, que les gens de l'enfer entreront en enfer, le diable se lèvera alors et s'adressera aux gens de l'enfer et se désavouera d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Et quand tout sera accompli, c'est-à-dire lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer, que le jugement aura eu lieu, le diable, celui qui est la cause de tout mal sur terre, il s'adressera alors aux gens du feu afin de se désavouer d'eux. Il leur dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité. Cette promesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, alayhim salatu wassalam, qui ont transmis le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont clarifié aux gens le chemin à suivre afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens qui seront entrés en enfer, ils n'ont pas obéi à ces messagers. Et s'ils leur avaient obéi, ils seraient rentrés au paradis. Mais comme ils se sont détournés de l'obéissance des messagers, alayhim salatu wassalam, ils ont fini en enfer. Le diable, il s'adresse donc à eux, il leur dit, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. C'est-à-dire, le diable, il a promis le bien aux hommes. Il les attire, il leur enjolive le mal, mais il ne tient pas sa promesse, car ce qu'il te promet, ce n'est qu'une chose éphémère qui ne va pas durer. Car celui qui suit le diable, sa destination finale, ce sera quoi? Ce sera le feu de l'enfer, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, « Je n'avais aucune autorité sur vous. » Donc c'est le diable qui dira aux gens de l'enfer, « Je n'avais aucune autorité sur vous. » C'est-à-dire qu'il n'avait aucune preuve à leur présenter pour les détourner du droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est qu'il leur enjolivait le mal et leur promettait des illusions. « Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. » C'est-à-dire, vous m'avez répondu de votre plein gré. Je vous ai proposé une chose. Je vous ai appelé, et c'est vous qui avez décidé de suivre le diable. C'est-à-dire que tout ce que le diable possède afin de nous égarer, en réalité, c'est quoi? C'est de nous appeler au mal. Ensuite, libre à chacun de suivre les pas du diable ou alors de se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à travers l'envoi de ses messagers, alayhim salatu wassalam. Donc le diable, il appelle le serviteur au mal, en lui enjolivant les choses. Et le serviteur, il le suit, obéissant à quoi? Obéissant à ses passions et ses désirs. C'est pour cela qu'après, il dit quoi? Il dit, ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. C'est-à-dire que c'est vous la cause du châtiment dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez suivi mon appel, vous avez suivi mes illusions, qui n'étaient basées en réalité sur aucune preuve. Ceci sera donc le discours du diable. Au jour de la résurrection, lorsque les gens seront placés en enfer, il se désavouera d'eux et les blâmera pour le fait de les avoir suivis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre cet ennemi. Et il nous a interdit de suivre ses pas. Et les pas du diable, c'est toutes les voies auxquelles le diable appelle, parmi les turpitudes, les désirs interdits, le délaissement des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, et également le fait de commettre les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc informé que le diable est notre ennemi et il nous a ordonné de le prendre pour ennemi. Il a dit « Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. » Le diable est pour vous un ennemi. C'est-à-dire que le vrai ennemi de l'homme, c'est qui? C'est le diable, Iblis. Prenez-le donc pour ennemi. C'est-à-dire, rappelez-vous de cette animosité qu'il a envers vous et qu'il prodigue tous ses efforts afin de vous éloigner de la voie du paradis. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceci est donc l'objectif du diable. Que ceux qui le suivent finissent avec lui dans le feu de l'enfer humilié. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Cependant, si on médite sur la situation des enfants d'Adam, alayhi salam, parmi les humains, on voit que nombre d'entre eux ont malheureusement suivi les pas du diable. Ils ont obéi au diable et ont délaissé l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui emprunte ce chemin, il n'y a pas de doute que ce sera lui le perdant au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا. Et quiconque prend le diable pour allié sera certes voué à une perte évidente, c'est-à-dire à malheur éternel, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Donc après cela, après cette brève introduction, il est important de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et sa bonté envers ses serviteurs, il a légiféré pour eux des œuvres, des formules d'évocation, des actions permettant de te préserver du mal de ton ennemi, qui est le diable. On va donc voir dans cette conférence, incha'Allah ta'ala, quelques causes permettant aux serviteurs de se prémunir du mal de son ennemi. Et également, on va voir comment l'animosité du diable, elle se manifeste et les voies par lesquelles il atteint le serviteur. La première cause permettant de te préserver du diable, il n'y a pas de doute que c'est la plus importante et c'est le fait d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de placer ta confiance en lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Et il n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire aucune emprise, sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. C'est-à-dire ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ceux qui ont concrétisé la foi, ceux qui ont mis en pratique cette foi et qui ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, seul, en dehors de tout autre que lui. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il repousse d'eux le mal du diable. Et il les protège contre le diable, alors le diable, il ne trouve aucun moyen afin de les égarer. Et ceci est la plus grande cause afin de te préserver du diable. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Et il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui donnent des associés à Allah à cause de lui. C'est-à-dire, à cause de leur obéissance au diable. Ils ont donné des associés à Allah et commettant ainsi le plus grave des péchés, la plus grande des désobéissances. Ils ont donc obéi au diable et ils sont sortis et ont quitté la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Par leur obéissance au diable et leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le diable, il les a alors conduits au péché, et ce, afin de les mener en enfer. Également parmi les causes, afin de te prémunir du diable, il y a al-isti'adatu billahi subhanahu wa ta'ala min ash-shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Donc parmi les moyens pour te préserver du diable, il y a le fait de rechercher refuge auprès d'Allah contre le mal du diable, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés: si le diable t'incite en te faisant une suggestion, alors cherche refuge auprès d'Allah, en disant a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi: wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Dis: Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables et je cherche ta protection, ô Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Donc celui qui souhaite être préservé du diable, il est indispensable pour cela qu'il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne te protège pas, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te préserve pas, qui te protégera du diable? Nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut te préserver du mal de cet ennemi. On trouve dans un hadith authentique qu'un jour un homme était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et deux hommes s'injuriaient l'un et l'autre, au point que l'un eut son visage qui rougit et ses veines gonflées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni la a'lamu kalimatan lo qalaha dhahaba anhu ma yajid. Je connais une parole, s'il la prononce, se dissipera ce qu'il ressent, c'est-à-dire cette colère, ses veines qui gonflent, son visage qui rougit. Il dit: lo qala a'udhu billahi minash shaytanir rajim dhahaba anhu ma yajid. S'il dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim, je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit, contre le diable lapidé, alors partira, sera dissipé ce qu'il ressent. Cette colère, elle sera dissipée s'il prononce cette parole par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les moyens de te protéger contre le mal du diable, il y a le fait de lire Al-Mu'awwidhatayn, les deux dernières sourates du Coran. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'Omniscient et dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ces deux sourates, elles ont un effet surprenant dans la recherche de refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal du diable et dans le fait de repousser son mal et de se protéger de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet Ma ta'awwadh al-muta'awwidhun bimithlihima. Ceux qui cherchent refuge, qui demandent la protection auprès d'Allah, ils ne cherchent pas refuge par une chose semblable à ces deux sourates. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani, rahimahum Allahu ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de réciter ces deux sourates avec sourate al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad, à la fin de chaque prière obligatoire, et également de les réciter trois fois le soir lorsque la personne se couche, et il a dit que la personne qui fait cela, elle sera préservée de toute chose. Elles lui suffiront contre toute chose. On voit donc que c'est un moyen immense afin de se préserver du mal du diable. Également, parmi les moyens de se préserver contre le diable, il y a la lecture de Ayat al-Kursi, comme cela est venu de l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu, qui a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a chargé de surveiller la zakat de Ramadan, la nourriture qui était à donner en aumône pour l'aumône de la rupture, à la fin du mois de Ramadan. Il dit alors, il y avait une personne qui venait et qui se servait de cette nourriture. Alors Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu, lui a dit « Je vais faire part de cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Puis il a raconté ce qui s'est passé avec cette personne qui prenait la nourriture et que celui-ci lui a dit « Ida awaita ila firashik, faqara ayat al-kursi, fa innahu lan yazala alayka min Allahi hafidh, wa la yaqarabuka shaytanun hatta tuzbih. » Lorsque tu vas dans ton lit, récite ayat al-kursi. Et il y aura toujours venant d'Allah, quelqu'un qui te préservera et aucun diable ne t'approchera jusqu'au matin. Si tu récites ce verset en te mettant au lit. Alors Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'a informé de cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, « Sadaqaka wa huwa kadhoub. » Il a dit vrai, malgré que ce soit un grand menteur. « Dhaka shaytan. » C'était un diable. Donc c'est un diable qui a informé Abu Huraira, que ce verset était une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela. On voit donc l'importance de réciter ce verset lorsque tu te couches le soir avant de dormir afin d'obtenir la protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on tire comme bénéfice de ce hadith et de ce récit que la vérité, elle est acceptée de toute personne qui la présente, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec une vérité, comme c'est le cas du diable ici, qui est venu à Abu Huraira avec cette vérité, alors, si ceci est une vérité, il est obligatoire pour nous de l'accepter. Cependant, est-ce que cela veut dire que l'on doit aller chercher la vérité chez n'importe qui? Est-ce que cela veut dire que l'on doit aller chercher la vérité chez des inconnus, chez des gens du faux, chez des innovateurs, chez des mécréants ou autres? La réponse est non. Regardez Abu Huraira. Est-ce qu'il a accepté ce que lui a transmis cette personne? Où il est retourné vers la personne qui allait lui informer si cela est vrai ou faux. Il est retourné vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a informé du récit. Il n'a pas accepté cette parole, mais il l'a renvoyé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a informé de la véracité de cette parole. Également, parmi les moyens pour le serviteur de se préserver du diable, il y a la lecture de surat al-Baqarah. Il est venu dans le recueil authentique de l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La taj'alu buyutakum qubura, fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, la yadkhuluhu shaytan. » Ne faites pas de vos maisons des tombes, des cimetières, c'est-à-dire dans lesquelles vous n'évoquez pas Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles vous ne priez pas. Car certes, la maison dans laquelle est récité Surat al-Baqarah, le diable n'y entre pas. C'est-à-dire qu'il fuit de la maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. On tire donc de cela qu'il est légiféré pour le musulman de réciter Surat al-Baqarah chez lui afin de préserver son domicile de l'entrée du diable. Également, parmi les moyens de se préserver du diable, il y a la lecture des deux derniers versets de Surat al-Baqarah, comme cela est venu dans le hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara al-ayatayn min akhir surat al-Baqarah fi layla kafata. Celui qui lit les deux derniers versets de Surat al-Baqarah le soir, elles lui suffisent. C'est-à-dire, elles lui suffisent contre toute chose qui pourrait lui porter préjudice. C'est donc un moyen de préservation contre le diable. Également, parmi les moyens de se préserver contre le mal du diable, il y a une invocation très simple à faire, mais qui est négligée par beaucoup d'entre nous, malheureusement. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra. Celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, qui dit ça 100 fois dans la journée. Écoutez ce qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: kanat lahu adl 10 riqab, c'est comme s'il avait affranchi 10 esclaves. Wa kutibat lahu mi'atu hasana, il lui est inscrit 100 bonnes actions, 100 hasana. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a, et on lui absout, on lui efface 100 mauvaises actions. Wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalik hatta yumsi, et c'est une protection pour lui contre le diable durant ce jour jusqu'à ce que vienne le soir. Le simple fait que tu prononces cette parole 100 fois le matin lorsque tu fais tes adhkar, tes évocations du matin, tu prononces 100 fois cette parole, c'est une protection contre le diable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: "Wa lam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa rajulun 'amila akthar min dhalik." Il dit, il n'y a personne qui fait une action meilleure que celle-ci, sauf un homme qui fait plus que cela. C'est-à-dire qui rajoute encore, qui prononce cette parole plus que 100 fois. Vous voyez donc cette protection que l'on peut obtenir en prononçant cette invocation, qui est simple à dire, légère sur la langue et qui ne te prend que quelques minutes. Malheureusement, on voit que toutes ces causes aujourd'hui, elles sont délaissées par beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes se plaignent de l'atteinte du diable, de l'atteinte des djinns, de l'atteinte du mauvais œil, de l'atteinte de la sorcellerie, ou d'autres mots encore. Mais ils ne font pas ces causes qui sont simples à faire, légères sur la langue et qui permettent d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces maux. Également, parmi les moyens immenses de se préserver contre le diable, il y a le fait de multiplier les vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Amurukum an tathkuru Allah fa inna mathala dhalika ka mathali rajulin kharaja al-adu fi atharihi sira'a hatta ata ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum. Il dit: Je vous enjoins, je vous ordonne l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui évoque Allah est tel un homme qui fuit son ennemi qui est à sa poursuite. Son ennemi le poursuit et qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie alors dans une citadelle protégée afin de se mettre à l'abri de son ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit: de la même manière, le serviteur, il ne se protège pas contre le diable si ce n'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, et il a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Également, parmi les causes afin de te préserver du diable, il y a le fait de délaisser l'excès dans le regard, l'excès dans la parole, l'excès dans la nourriture et également l'excès dans la fréquentation des gens. Tout ceci sont des choses qui, si elles sont faites dans l'excès, elles permettent au diable de prendre le dessus et de dominer l'enfant d'Adam, alayhi salam. Donc, le serviteur, il doit faire en sorte de ne pas faire d'excès dans ces choses-là, mais de donner à chaque chose sa juste mesure. Car le diable prend le dessus sur lui par ses quatre portes. L'excès dans le regard, le fait de regarder des choses que tu ne dois pas regarder. Combien sont ceux qui laissent aller leur regard sur des choses futiles, ou pire encore, sur des choses interdites et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Également l'excès dans la parole. Ô combien sont les excès que l'on fait avec nos langues? Et lorsque tu commets des excès avec ta langue, alors le diable prend le dessus sur toi et il fait quoi? Il te fait tomber dans les péchés, dans le mensonge, la médisance, la calomnie et autres. Il prend alors le dessus sur toi par ses péchés. Également, l'excès de nourriture. On va y revenir lorsqu'on va dire le hadith à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Et aussi, l'excès dans la fréquentation des gens. Ce n'est pas une bonne chose pour le musulman de s'isoler de ses frères. Mais ce n'est pas une bonne chose non plus de trop fréquenter les gens. Et l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné que les gens, en termes de fréquentation, ils sont de quatre sortes. On va mentionner sa parole ici de façon concise et résumée. Il dit la première catégorie, c'est ceux dont la fréquentation, ils sont comme la nourriture. C'est-à-dire que chaque jour, tu ne peux pas t'en passer. Ceci est indispensable. Et il dit cela, ce sont les savants. Ceux qui ont connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont connaissance des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ont connaissance également des ruses de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui conseillent les musulmans pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, en les fréquentant, tu n'obtiendras que des bénéfices, incha'Allah ta'ala. La fréquentation, elle est profitable. Il dit la deuxième catégorie, c'est ceux dont la fréquentation est comme le fait de prendre un cachet, un médicament. C'est-à-dire, tu en as besoin à quel moment du médicament? Lorsque tu es malade, tu n'en as pas besoin tout le temps. Et si tu es en bonne santé, tu ne vas pas prendre de médicaments, tu ne prends pas de cachet. Et tu n'as pas besoin, donc, de fréquenter ces personnes. Il dit cela, ce sont ceux dont tu ne peux pas te passer pour les intérêts de ce bas monde. C'est-à-dire, tu as besoin d'avoir des relations avec eux, dans les transactions, pour le travail ou autre. Cependant, ces gens-là, tu dois les fréquenter comment? Selon le besoin. Et ne pas dépasser cela. Comme le cachet, tu le prends en fonction du besoin. Il dit la troisième catégorie, c'est ceux dont la fréquentation est comme le poison, comme une maladie, de différentes sortes et de différentes catégories. Cela, les fréquenter est nuisible pour ta religion et pour ta vie d'ici-bas. Il dit donc ces personnes, tu dois te comporter avec eux de manière convenable et ce, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une issue afin que tu puisses te séparer d'eux. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est ceux dont la fréquentation mène l'homme à la perdition, wal'iyadu billah. Il dit, et cela, ce sont les gens de l'innovation et les gens de l'égarement, ceux qui écartent la personne des voies du bien, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ces gens. Donc la personne, elle doit regarder ses fréquentations. Regarder qui c'est qu'elle prend comme ami, qui c'est qu'elle fréquente dans son quotidien, et ce, afin de ne pas causer sa perdition à cause de ses fréquentations. Mais également, tu dois faire en sorte, toi, d'être une bonne fréquentation. Tu dois regarder ces catégories et faire en sorte de ne pas faire partie de ceux dont la fréquentation est nuisible, mais d'être profitable pour les gens qui te tiennent compagnie. Après avoir vu ces quelques causes qui nous permettent de nous prémunir contre le mal du diable, il est important pour nous de savoir comment se manifeste l'animosité du diable à notre égard. C'est-à-dire, quels sont les effets de l'emprise du diable sur l'enfant d'Adam alayhi salam. Comment tu vois que le diable a de l'emprise sur toi? Parmi les premiers effets, ou plutôt les premières formes de manifestation de l'animosité du diable, il y a le waswas, les suggestions du diable. Le diable, il vient à toi, il te suggère des choses mauvaises afin de pervertir ta croyance, afin de t'égarer du droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre cela. Il dit, le diable, il vient à l'un d'entre vous et il dit, qui a créé cela? Il a créé telle ou telle chose. Man khalaqa kada, et ainsi de suite. Hatta yaqul man khalaqa rabbak. Qui a créé ton Seigneur? Pourquoi il pose cette question? Car il veut mener la personne à la mécréance et à l'apostasie, wal'iyadu billah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné le remède contre ça. Il a dit, fa'idha balagahu, falyasta'idh billah, walyantahi. Si le diable atteint cela et qu'il te suggère ses pensées, alors cherche refuge auprès d'Allah. Ya'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et délaisse ses pensées. Ne reviens plus à ses pensées. Et dans une autre version du hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'idha wajada ahadukum dhalika falyaqul amantu billahi wa rusuli fa'inna dhalika yudhhibu anhu. Si cela te vient, tu dis je crois en Allah et en ses messagers. Amantu billahi wa rusuli. Et ceci dissipera ses pensées de toi. Donc tu vois que la première chose que le diable va essayer de suggérer à l'homme, c'est quoi? C'est la mécréance. S'il n'arrive pas à cela et qu'il désespère de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te suggérer des choses dans tes différentes adorations. Par exemple, dans tes ablutions ou dans ta prière. Lorsque tu vas faire tes ablutions, il va te suggérer de faire des excès dans l'utilisation de l'eau, de mettre beaucoup d'eau sur chaque membre, t'opposant ainsi à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsque tu vas être en prière, il va te perturber au point que tu ne saches plus où tu en es, qu'est-ce que tu dis, et que tu ne sois plus concentré. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a également donné le remède contre cela. En effet, le noble compagnon, Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu ta'ala anhu, est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en se plaignant, il lui a dit, « Ya Rasulallah, inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati, wa bayna qira'ati yalbisuha alayya. » Il dit, « Ô messager d'Allah, le diable s'est interposé entre moi et ma prière. Et également dans la lecture, il me perturbe dans ma récitation. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Dhaka shaytanun yuqalu lahu khanzab, fa'idha ahsastahu, fata'awwadh billahi minhu, wadfil ala yasarika thalathan. » Il dit, « Ceci est un diable appelé khanzab, c'est-à-dire celui qui vient perturber les gens dans leur prière. Si tu le ressens, si tu ressens qu'il vient te perturber, alors cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui. Puis, postillonne trois fois à ta gauche. » Tu dis, « A'udhu billahi minash shaitan rajim », tu tournes ta tête et tu fais. S'il y a quelqu'un à ta gauche, que tu es dans un rang de prière, que tu es à la mosquée, qu'est-ce que tu dois faire? Les gens de science, rahimahumullah ta'ala, ont dit que s'il y a quelqu'un à ta gauche, alors tu fais cela dans ton vêtement. Si tu as une routra, par exemple, tu la mets afin que cela n'aille pas sur celui qui est à ta gauche. Ou tu prends un mouchoir, si tu as un mouchoir, dans ta poche. Et si tu n'as rien pour cela, pour postillonner dedans, alors tu te contentes de chercher refuge auprès d'Allah. Tu tournes ta tête à gauche et tu cherches refuge auprès d'Allah en disant « A'udhu billahi minashaytani rajim ». Et ce afin de ne pas importuner celui qui prie à ta gauche dans le rang de prière. Donc ceci est le remède que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné afin de nous préserver de ce diable du nom de Khanzab qui vient perturber les croyants dans leur prière. Ensuite, le compagnon Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, « فَفَعَلْتُ ذَلِكَ » J'ai fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a indiqué, « فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي » Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait partir de moi. Il l'a éloigné de lui. Il l'a préservé du mal de ce diable. Tu vois donc que le diable, il commence par essayer de te perturber dans ta croyance. Puis ensuite, il vient te perturber dans tes adorations. Et le remède contre cela, c'est de chercher refuge auprès d'Allah contre lui. Et ainsi, tu fermes la porte à ses suggestions. Et il faut savoir que le diable, il a plusieurs degrés. Il franchit plusieurs étapes afin d'égarer le serviteur. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est quoi? C'est de te faire tomber dans le pire des péchés. Le shirk, le polythéisme, la mécréance, afin de te faire sortir totalement du droit chemin. S'il n'arrive pas à cela, il va passer à la deuxième étape et essayer de te faire tomber dans les innovations, qui sont le plus grave des péchés après le polythéisme et la mécréance. Il va donc essayer de te faire tomber dans les innovations qui sont plus aimées pour le diable que la perversion et les grands péchés. Le diable, il préfère voir le serviteur faire des innovations plutôt que le faire tomber dans les grands péchés. Pourquoi? Car les innovations, elles sont plus graves que les grands péchés. La troisième étape, s'il n'arrive pas à cela, il va alors essayer de te faire tomber dans les grands péchés. Puis ensuite, la quatrième étape, dans les petits péchés. Et ce, afin de mener l'homme à sa perdition. Il cherche à t'égarer du droit chemin par tous les moyens. Et s'il n'arrive toujours pas à cela, qu'il n'arrive pas à te faire tomber, ni dans le shirk et dans la mécréance, ni dans les innovations, ni dans les grands et les petits péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'occuper avec des choses permises. T'occuper avec des choses permises dans lesquelles il n'y a ni récompense, ni châtiment. Pourquoi? Car lorsque tu fais ces choses-là, tu n'es pas dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va donc t'occuper par cela, par des choses permises, des choses futiles. Tu n'auras pas de péché en cela, mais tu n'auras pas de récompense. Il t'empêche donc par tous les moyens, quoi? De te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'arrive pas à cela, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va essayer de t'occuper par des œuvres dont la récompense est moindre que d'autres œuvres que tu pourras accomplir. C'est-à-dire, il va te faire délaisser les meilleures œuvres en t'occupant par des œuvres qui sont de moindre importance. On voit donc que le diable, il tente par tous les moyens de quoi? De t'empêcher de faire le bien. Et si tu lui fermes toutes ses portes, et qu'il n'arrive pas à prendre le dessus sur toi, par un de ces six moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va envoyer son armée contre toi. C'est-à-dire qu'il va envoyer les gens parmi ses alliés, parmi les gens du mal, parmi les hommes et les djinns, afin qu'ils te causent des préjudices. Et ceux qui arrivent souhaitent réellement par tous les moyens à t'égarer et à te ralentir dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de son mal. Ceci est la première chose par laquelle se manifeste l'animosité du diable. La deuxième chose par laquelle se manifeste l'animosité du diable envers le serviteur, c'est qu'il fait naître en toi un sentiment de peur. Un sentiment de peur à l'égard de quoi? Un sentiment de peur au moment d'accomplir les œuvres de bien. Par exemple, en ce qui concerne les aumônes, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire craindre la pauvreté, afin que tu ne dépenses pas ton argent dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, « Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha » Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commande des actions honteuses, c'est-à-dire l'avarice et le refus de donner la zakat, comme le mentionnait les savants du tafsir. Il faut donc prendre garde, si tu souhaites dépenser tes biens sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire craindre la pauvreté. Il va te dire peut-être que tu auras besoin de cet argent, peut-être que tu en auras besoin, est-ce que tu en auras encore demain, ou autre chose encore, pour te détourner de cette œuvre de bien, il te fait craindre le fait d'être dans le besoin. Également, si tu souhaites te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par différentes sortes d'adorations, comme le commandement du bien ou l'interdiction du mal, il va te mettre un sentiment de peur dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, « Innama dhalikumu shaytan yukhawwifu awliya'a, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. » C'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Combien de personnes, au moment d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, ils ressentent de la peur et de la crainte? Peut-être que si je lui ordonne cela, il va se moquer de moi. Peut-être que si je lui ordonne cela, je vais me disputer avec lui. Peut-être que si je lui ordonne cela, il ne va pas accepter. Alors le diable, il te fait peur afin de te retarder de cela. Il te suggère des mauvaises choses. Occupe-toi de ta personne, délaisse les gens. De toute façon, ils ne vont pas t'écouter. Pourquoi? Afin de te détourner de cette œuvre qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont ceux qui tombent dans les pièges du diable à ce sujet et délaissent le commandement du bien et l'interdiction du mal? Donc, si tu ressens ce sentiment de peur au moment d'accomplir une œuvre qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que cette peur, elle provient du diable. Cherche donc refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui et persévère dans cette œuvre de bien afin d'en obtenir les fruits et la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les formes de manifestation de l'animosité du diable, il y a « al-tahrish wa iqa'u al-adawa bayna al-muslimin » le fait de semer la discorde et l'animosité entre les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet « Innama yuridu shaytanu an yuqa'a baynakum al-adawata wal-baghdaa » Le diable ne veut que jeter parmi vous l'inimitié et la haine. S'il n'arrive pas à vous détourner des œuvres de bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer la discorde entre vous, afin de désunir les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'union sur la vérité. Il a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a » Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Le diable, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ordonne l'inimitié et la haine entre les musulmans. Il va donc semer la discorde entre eux, afin qu'ils se disputent et afin de briser leur union. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, « Inna shaytan qad ayyisa an ya'budahu al-musalloun, walakin fit tahrishi baynahum » Le diable a certes désespéré que l'adore al-musalloun, ceux qui prient parmi les croyants. Il a désespéré qu'ils le prennent comme associé à Allah. Cependant, ils sèment la discorde entre eux. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala et d'autres. Combien de discordes et combien d'animosités ont lieu entre les musulmans et sont causées par le diable, parfois même sans aucune raison? Tu trouves des frères avançant sur une même voie, priant dans une même mosquée, dans le même rang de prière, et malgré ça, tu les vois divisés. Et il y a des sentiments de rancune entre eux. Et ceci provient du diable. Donc si tu ressens cela vis-à-vis de tes frères qui avancent sur le même chemin que toi, qui cherchent de la même manière que toi, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se conformant à cela, à la voix des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors sache que ceci provient du diable. Et tu dois tout faire pour faire partir de ton cœur tout sentiment de rancune, de haine et d'inimitié vis-à-vis de tes frères. Te soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, comme on l'a dit dans le verset que l'on vient de citer, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah وَلَا تَفَرَّقُوا et ne soyez pas divisés. Également, parmi les formes de manifestation de l'animosité du diable à l'égard de l'homme, il y a le fait qu'il t'empêche d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il t'obstrue le chemin de l'évocation d'Allah. Parmi les bénéfices de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que celui qui évoque Allah, il est toujours en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rapproche constamment d'Allah. Celui qui est toujours dans l'évocation, que ce soit dans l'évocation avec le corps, en faisant des adorations, la prière, le jeûne ou autre, ou l'évocation avec la langue, comme le tasbih, le takbir, etc. Celui-ci, il est toujours en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se rapproche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « Fadhkuruni adhkurkum » et « Rappelez-vous de moi, évoquez-moi, je vous évoquerai. » Donc le diable, il veut éloigner le serviteur de cela. Il veut prendre le dessus sur lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour t'obstruer le chemin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, « وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ » et il veut vous détourner de l'évocation d'Allah ainsi que de la prière. Donc son objectif c'est quoi? C'est de couper la relation et le lien qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu vas voir le diable, qu'est-ce qu'il va faire à cette fin? Il va embellir au serviteur un certain nombre de péchés, comme par exemple la consommation d'alcool ou de produits enivrants. Car ces choses-là, elles éloignent le serviteur du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il est ivre, il perd sa raison. Il ne se rappelle donc plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut tomber dans de nombreux péchés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Également, il va essayer de t'occuper par des choses futiles, des discussions inutiles qui n'ont aucun intérêt, ou encore dans le fait d'écouter ces discussions ou d'écouter de la musique ou autre parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Car ceci éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Parmi les gens, il y en a qui achètent de plaisants discours pour égarer hors du sentier d'Allah. Pour égarer hors du sentier d'Allah. Ils achètent de plaisants discours, c'est-à-dire qu'ils choisissent ces discours. Ils les désirent de la même manière qu'une personne serait prête à donner un prix pour acheter un bien. C'est-à-dire qu'ils désirent ces choses de la même manière que toi lorsque tu vas acheter une chose. Tu vas tout faire pour l'acheter. Alors eux, ils achètent ces plaisants discours. Ils les désirent. Parmi les gens, il y en a qui achètent de plaisants discours pour égarer hors du sentier d'Allah. Ces discours, ce sont tout ce qui distrait les cœurs. Tout ce qui distrait les cœurs et les éloigne et les détourne de ce qui est profitable, comme le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela toute parole et tout discours interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que toute parole futile et toute parole fausse, comme les paroles incitant à la mécréance, les paroles incitant à la perversion, les paroles incitant au péché, comme la médisance, la calomnie, le mensonge et autres. Et si tu médites, tu verras que tous ces mots, ils se retrouvent dans quoi? Ils se retrouvent dans la musique et le chant. L'appel à la mécréance, l'appel à la perversion, l'appel au péché, l'appel à la perte de temps, à la médisance, au mensonge, et ainsi de suite. C'est pour cela lorsqu'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il a été interrogé au sujet de ses plaisants discours, mentionnés dans ce verset. Il répondit, radiyallahu ta'ala anhu, « Wallahi alladhi la ilaha ghayru, huwa al-ghina, yuraddiduha thalatha marrat » Il a dit, « Par Allah, celui en dehors de qui, nul n'est en droit d'être adoré. » Ceci est le chant, la musique. Il le répéta à trois reprises. Regarde la situation de celui qui écoute la musique. Tu le verras loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme l'ont mentionné les gens de science, la musique, elle ne peut pas se réunir dans le cœur d'une personne avec le rappel d'Allah, avec le Coran. Donc s'il écoute la musique, forcément, cela va faire quoi? Cela va l'éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloigner de l'écoute de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc prendre garde à toutes ces choses par lesquelles le diable cherche à te distraire et t'éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te rappeler également que la différence entre celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, elle est telle que la différence entre le vivant et le mort, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, ils sont tels quoi? Tels le vivant et le mort. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant. Et celui qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, il est semblable à un mort. Maintenant que tu connais les formes de manifestation de l'animosité du diable à ton égard, il est important que tu saches également les voies par lesquelles le diable arrive à concrétiser cela. Et ce, afin de lui fermer ses voies, afin de lui obstruer le chemin et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et te préserver de son mal. Parmi les moyens et les voies permettant au diable de manifester son animosité à l'égard du serviteur, il y a la colère et le désir. Lorsque la personne est en colère, elle peut en arriver à perdre la raison. Et si la raison n'est plus là, que l'homme fait des choses insensées, prononce des choses insensées, alors il n'y a pas de doute que l'armée du diable, elle en profite pour l'assiéger et l'attaquer, et prendre ainsi le dessus sur lui. C'est pour cela que certains gens de science ont dit que lorsque l'homme est en colère, il est dans les mains du diable de la même manière qu'un ballon dans les mains d'un enfant. Tu vois l'enfant quand il joue avec le ballon, il le jette dans tous les sens, n'importe comment. Celui qui est en colère, il est pareil avec le diable. Le diable, il fait ce qu'il veut de lui. Tu trouveras des personnes en colère qui vont divorcer leur épouse. Tu trouveras des personnes en colère qui vont commettre des grands péchés. Tu trouveras des personnes en colère qui vont prononcer des paroles de mécréance, wal'iyadu billah, comme insulter Allah, insulter la religion, ou même des personnes en colère qui vont aller jusqu'à commettre le meurtre ou d'autres grands péchés. On voit donc que lorsque la personne est en colère, elle est sous l'emprise de qui? Elle est sous l'emprise du diable. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Donc, le musulman, il se doit de contrôler sa personne. Lorsque lui vient la colère, il doit se rappeler qu'il a ouvert une porte au diable afin qu'il prenne le dessus sur lui. Tu dois donc prendre garde et te rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Laysa ash-shadid bis-sur'a, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab » wal hadith muttafaqun alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « L'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire, celui qui prend le dessus sur les autres, mais l'homme fort, c'est celui qui maîtrise sa personne lors de la colère. » C'est ça la réelle force de l'homme. Que lorsqu'il est en colère, il arrive à se contrôler, à ne pas transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Donc lorsque tu viens, cette colère, lorsque quelqu'un t'a causé du tort, a prononcé une mauvaise parole à ton égard, a fait une mauvaise action à ton encontre, tu ne dois pas laisser le désir de vengeance prendre le dessus. Mais tu dois te rappeler ce hadith, que l'homme fort, c'est celui qui maîtrise sa personne lors de la colère. Et également, ceci ne doit pas te pousser à rejeter la vérité et à transgresser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Cependant, lorsque tu ressens cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le repousser de la meilleure manière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal de la meilleure manière. Ainsi, celui avec qui tu avais une animosité deviendra-t-elle un ami chaleureux. Si tu repousses son mal de la meilleure manière, tu repousses le mal par quoi? Par la bienfaisance à son égard. Cependant, ceci n'est pas accessible à n'importe qui. Ceci demande de la patience. Ceci demande une force dans la foi, une force dans la certitude en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la suite de cela, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Mais ce privilège n'est accordé qu'à ceux qui endurent. Il n'est accordé qu'aux patients. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Et il n'est accordé qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. C'est-à-dire celui qui patiente lors de la colère, qui contraint son âme à se soumettre aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas transgresser ses interdits. Mais il ne fait que ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci demande énormément de patience. Car l'âme de la personne, en général, sa nature, elle le pousse à quoi? Elle le pousse à l'amour de la vengeance. L'amour de régler ses comptes. Yani, rendre le mal de manière équitable ou pire encore. Donc celui qui arrive à rendre le mal par le bien et à être bienfaisant envers celui qui lui a causé du tort, ceci demande une grande patience. Et celui qui fait cela, il obtiendra une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les moyens par lesquels le diable prend le dessus sur l'homme, il y a l'empressement et le fait de ne pas vérifier les choses, de ne pas vérifier les informations. En effet, lorsque la personne s'empresse dans les choses, s'empresse dans ses choix, s'empresse dans ses décisions, s'empresse dans ses actions, qu'est-ce qui se passe? Le shaytan, il va le pousser au mal. Le diable, il va le pousser à faire des mauvais choix, à faire des mauvaises actions, à prononcer des mauvaises paroles, ou autre encore. C'est pour cela que lorsque la personne, elle prend son temps, elle prend le temps de réflexion, avec quiétude et sérénité, le diable, il ne peut pas la pousser à ce à quoi il la pousse lorsqu'elle s'empresse. Car il va prendre le temps de réfléchir aux choses, d'analyser la situation. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Alors que s'il se précipite, il va faire des choses, pourquoi? Pour après? Pour après, les regretter. C'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-anatu min Allah, wal-ajalatu min ash-shaytan » La quiétude, la sérénité, le fait de prendre le temps de réflexion, ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la précipitation, elle provient du diable, et ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à ce sujet, dans surat al-Hujurat, « Ya ayyuha alladina amanu, oh vous qui croyez, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, an tusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. De crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne le regrettiez par la suite. » Combien de personnes, elles écoutent des informations qui viennent à droite, à gauche, de personnes inconnues, de personnes perverses, surtout à notre époque, durant laquelle les moyens de communication, ils ont été facilités. On voit toutes sortes d'informations qui arrivent du matin au soir via les réseaux sociaux ou les différents moyens de communication. Et les gens, ils reçoivent des informations, ils les transmettent ou les croient sans même vérifier l'authenticité de ces choses. En faisant cela, il a ouvert une porte au diable. Il a ouvert une porte au diable qui va le pousser à faire des choses qui ne sont pas légiférées, à porter des accusations sur des personnes qui sont innocentes, à prononcer des paroles qu'il ne devait pas prononcer. C'est pour cela, lorsqu'une nouvelle te parvient, une personne qui est connue pour la perversion ou pour le mal, comme les mécréants ou autres, ou alors une nouvelle qui te parvient d'un inconnu, il ne t'est pas permis d'accepter cette information sans la vérifier. Et si tu l'acceptes, il se peut que tu causes du mal à des personnes au sujet desquelles cette information a été transmise et que par la suite tu le regretteras tôt ou tard. Également, parmi les choses qui permettent au diable de prendre le dessus sur l'enfant d'Adam, il y a l'excès dans la nourriture. Comme on a dit, j'ai dit qu'on allait revenir sur le hadith à ce sujet. En effet, l'excès dans la nourriture, il permet au diable de prendre le dessus sur l'enfant d'Adam. Pourquoi? Car lorsque la personne, elle mange trop, alors elle devient paresseuse et les adorations, elles deviennent difficiles pour elle. C'est pour cela qu'elle va ainsi s'éloigner peu à peu de quoi? Du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'enfant d'Adam n'a pas rempli un récipient plus mauvais que son ventre. Il suffit à l'enfant d'Adam quelques bouchées afin de se maintenir debout. Et si cela est indispensable, c'est-à-dire qu'il mange plus que cela, qu'il désire plus que cela, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Ceci fait donc partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, l'excès dans la nourriture et le fait de ne pas mettre en pratique ce hadith et de s'y opposer, cela rend la personne paresseuse et l'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle s'éloigne du rappel d'Allah, alors le diable prend le dessus sur elle et arrive à l'éloigner encore plus du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les formes, ou plutôt parmi les voies par lesquelles le diable prend le dessus sur l'homme, il y a la paresse dans l'accomplissement des œuvres obligatoires et surérogatoires parmi les œuvres d'obéissance et la transgression des interdits. Et ceci fait partie des plus grandes voies par lesquelles le diable prend le dessus sur l'homme. Le plus grave des péchés et le plus grave des interdits, après l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, après le shirk, c'est quoi? C'est la négligence de la prière, la salah. Soit en la délaissant totalement, soit en la délaissant en commun, en délaissant la prière à la mosquée, ou alors en délaissant certaines prières, en accomplissant d'autres, ou autre forme de délaissement de cette adoration qui est le pilier de l'islam, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le pilier de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sévèrement mis en garde contre le délaissement de la prière. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte, l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est quoi? C'est-à-dire entre là, les musulmans et les associateurs, c'est la prière. « Faman tarakaha, faqad kafar. » Celui qui la délaisse, il a certes mécru. Donc le diable, comme on l'a vu, parmi les différents degrés par lesquels il va s'attaquer à l'homme, s'il n'arrive pas à le pervertir dans sa croyance, il va le faire délaisser les plus grandes des obligations comme la prière. Et également, il va le faire tomber dans certains péchés. Comme par exemple, les péchés qui sont très courants aujourd'hui, les transactions usuraires. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. Les gens du tafsir ont dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils sortiront de leur tombe et seront ressuscités, ils seront confus comme dans l'ivresse. Ils ne sauront pas quoi faire. Comme celui que le toucher du diable a bouleversé. Donc le fait de faire ce péché, les transactions usuraires, c'est une cause pour que le diable, il prenne le dessus sur toi. Tu dois donc prendre garde à ce péché qui est malheureusement très répandu et banalisé à notre époque. Et j'en profite pour ouvrir une courte parenthèse à ce sujet, au sujet d'Arriba, au sujet de l'intérêt usuraire. Nombre de musulmans ont compris l'interdiction d'Arriba, savent que c'est un grand péché. Ils ont donc délaissé les emprunts avec intérêt dans les banques ou autres, car ils savent la gravité de ce péché. Cependant, il faut savoir que le riba, il est répandu dans la société sous différentes sortes. À titre d'exemple, il y a ce qui est appelé à la banque le découvert. Beaucoup de musulmans, ils ouvrent des comptes bancaires et ils ont sur leur compte une permission de découvert, c'est-à-dire une permission d'avoir un solde en dessous de zéro. Naam. Cependant, lorsque tu ne rembourses pas ce découvert en temps et en heure, qu'est-ce qu'il se passe? Tu payes des agios. Et qu'est-ce que c'est que ces agios? C'est un intérêt. C'est une forme d'intérêt usuraire. Tu as emprunté de l'argent et tu as payé pour cet argent un intérêt. Certains diront, oui mais je l'utilise mais je ne dépasse jamais la date prévue. Naam. Cependant, tu as signé le contrat dans lequel est mentionné l'intérêt usuraire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas maudit seulement celui qui pratique l'intérêt usuraire, mais il a maudit également celui qui le signe, celui qui en témoigne, etc. comme il est venu dans le hadith. C'est pour cela, mes frères, qu'il faut prendre garde à cela. Et cela nous montre l'importance de quoi? L'importance de l'apprentissage de la science religieuse afin de se préserver de ce grand péché qui, comme je l'ai dit, est malheureusement aujourd'hui banalisé. Ceci était donc simplement une petite parenthèse à ce sujet. Donc de manière générale, le diable, il a de l'emprise sur qui? Sur ceux qui se laissent aller dans les péchés et dans le délaissement des bonnes actions et des obligations. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin » تنزل على كل أفاك أثيم. Est-ce que je vous informe sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur, celui qui ment beaucoup, et sur tout pécheur. Qu'il soit pécheur dans ses actions, dans ses paroles ou autre, c'est-à-dire celui qui fait beaucoup de péchés. Les diables, ils descendent sur eux. والعياذ بالله. Également parmi les causes ou les voies permettant au diable de prendre le dessus sur l'homme, il y a la mauvaise compagnie. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'excès de fréquentation, c'est une chose qui éloigne du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui permet au diable de prendre le dessus sur l'homme. Donc le diable, s'il n'arrive pas à te présenter ou à te faire accepter ses mauvaises suggestions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te placer entre les mains d'une mauvaise compagnie qui vont, eux, te suggérer le mal, t'enjoliver le mal et les mauvaises actions, et t'éloigner et t'écarter du bien et des bonnes actions. Combien de personnes sont tombées dans des péchés à cause de quoi? À cause d'un ami, à cause d'une personne qu'il fréquentait, qui faisait un péché et qui petit à petit l'a conduit à quoi? À accomplir également ce péché. Et ainsi de suite. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple pour le bon et le mauvais compagnon. Il a comparé le mauvais compagnon à quoi? À un forgeron. S'il ne te brûle pas, c'est-à-dire s'il ne te fait pas tomber dans ces choses, dans ces mauvaises actions, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas repartir de lui avec quoi? Ou bien il va te brûler ton vêtement, ou alors tu repartiras avec une mauvaise odeur. Cela aura forcément un mauvais impact sur toi. La mauvaise compagnie, que tu le veuilles ou non, elle a une influence et un impact sur toi. Contrairement au bon compagnon. Le bon compagnon, il l'a comparé à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vendeur de musc. Soit il te vend, soit il t'en offre, soit tu repars de chez lui avec quoi? Avec une bonne odeur. Il t'incite au bien. Cela aura de l'influence sur toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé de la situation de celui qui a négligé cela, c'est-à-dire qui s'est laissé aller et a fréquenté des mauvaises personnes. Quelle va être sa situation au jour de la résurrection. Il se mordra les mains d'avoir pris cette personne pour ami et il dira « Ya laytani ittakhastu ma'a ar-rasuli sabila » Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, c'est-à-dire si seulement j'avais cru au messager, sallallahu alayhi wa sallam, que je l'avais suivi et que j'avais emprunté sa voie. « Ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila » Malheur à moi si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. C'est-à-dire, parmi les mauvaises personnes, parmi les djinns et les hommes, si seulement je ne l'avais pas suivi et je ne l'avais pas pris pour ami. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا Il m'a en effet égaré loin du rappel, loin du Coran, après qu'il me soit venu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Comme on l'a vu, le diable, au jour de la résurrection, il va se désavouer de ceux qui l'auront suivi. Et celui qui s'est laissé aller dans la fréquentation des mauvaises personnes, il va se mordre les doigts et se retrouver dans cette situation. Ils m'ont égaré, ils m'ont éloigné du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc prendre garde à cela et choisir la bonne compagnie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde, qu'il prend comme ami proche. Et les moyens et les voies d'accès du diable pour prendre le dessus sur l'homme, elles sont très nombreuses et ceci ne sont que des exemples. Il y a également l'avarice, l'envie, la rancune, le désir de ce bas monde, le fanatisme, le suivi des passions et ainsi de suite parmi les voies par lesquelles le diable prend le dessus sur l'homme et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de son mal. Et les moyens de remédier, comme on l'a mentionné en début de cours, ils sont nombreux, mais on va ici simplement les résumer en disant qu'il y a premièrement le fait d'être assidu dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mudawama ala dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? C'est-à-dire que lorsque la personne évoque Allah subhanahu wa ta'ala, cela dissipe de son cœur l'angoisse, les troubles et la confusion, et son cœur s'apaise à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le diable, il vit loin de la personne qui évoque Allah. Il s'éloigne d'elle, il la craint. Donc lorsque tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu te préserves du diable. Comme on l'a vu dans le hadith tout à l'heure. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme celui qui fuit son ennemi, puis se réfugie dans une citadelle protégée. Son ennemi ne peut plus l'atteindre. De la même manière, celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il se préserve du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le fait de délaisser son rappel. Et il a dit « وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّلْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » Quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Il s'écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc vous voyez que celui qui s'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va être son compagnon? Le diable. Allah subhanahu wa ta'ala va lui désigner un diable qui lui tiendra compagnie et qui l'égarera encore plus du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le diable prend le dessus sur l'homme et le domine, alors il lui fera oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah » Le diable les a dominés, il leur a alors fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc être assidu dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment, les adhkar du matin et du soir, les adhkar après la prière, avant de dormir, en entrant chez toi, en sortant de chez toi, en entrant à la mosquée, en sortant de la mosquée, et ainsi de suite. Parmi les formes de adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré et que vous pouvez trouver mentionné dans les livres à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit à ce sujet dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, « Ida dakhala ar-rajul baytahu, fadakara Allah azza wa jal, inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala ash-shaytan, la mabita lakum wa la asha. » Si l'homme, lorsqu'il rentre chez lui, il évoque Allah azza wa jal, au moment d'entrer et au moment de manger, alors le diable dira, « Il n'y a ni gîte ni couvert pour vous ici. » C'est-à-dire, ni il pourra vivre, rester dans cette maison, ni il pourra y manger. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانَ أَدْرَكْتُمَ الْمَبِيتِ S'il rentre chez lui et n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala au moment d'entrée, alors le diable, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez trouvé un gîte. vous allez trouver une demeure. C'est-à-dire, il dit ça à son armée, à ses soldats, parmi les shayatin. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمَ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. Et s'il ne mentionne pas Allah, il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala au moment de manger, alors il dit, vous avez trouvé le gîte et le couvert, la demeure et la nourriture. Et ce hadith, comme on l'a dit, il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et parmi les formes de dhikr importantes, également, afin de te préserver du diable, il y a le fait d'être assidu dans l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que sans cesse tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car on a dit que le diable, plus la personne elle fait des péchés, plus le diable il prend le dessus sur elle. Mais si la personne, après avoir fait le péché, elle implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Elle commet le péché, elle se repent et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors elle va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi fermer la porte au diable. C'est-à-dire qu'après le péché, elle va peut-être être encore meilleure qu'avant de l'avoir commis. Elle sera encore plus proche d'Allah, pourquoi? Car le regret d'avoir commis le péché, elle va le pousser à quoi? À faire des bonnes actions, à se rapprocher d'Allah et à multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis implore aussitôt le pardon d'Allah, trouvera alors Allah pardonneur et miséricordieux. Si immédiatement après avoir commis le péché, la personne, elle se rappelle Allah, elle implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne son péché. Et parmi les plus grandes formes de dhikr, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui préserve l'homme du diable, il y a la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, le fait de sans cesse lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est le plus grand des rappels, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de ton créateur, celle qu'il a prononcée et que Jibril a transmise au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En elle se trouve le bien et la guidée. En elle se trouve le remède à tous les maux que la personne peut rencontrer. C'est donc dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la lecture de son livre que tu vas trouver la plus grande protection contre le mal du diable et ainsi t'en prémunir. Tu dois donc être assidu dans la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à l'approche du mois de Ramadan, le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Ceci était donc quelques moyens afin de se prémunir du mal du diable. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا فيكم بارك الله